En quelque sorte, cette contribution traite un cas particulier. En effet, les anciens Pays-Bas s'en servent difficilement dans le modèle des grandes vieilles monarchies européennes comme la française, l'anglaise ou celle, au pluriel, de la péninsule ibérique ou de la Scandinavie. Ce qui est une raison de plus pour laquelle je suis reconnaissant envers les organisateurs. En fait, vers la fin du XVe siècle, les Pays-Bas constituaient un amalgame de territoires dont quelques-uns, notamment les comtés de Flandre et de l'Artois, étaient tenus de la couronne française et dont la plupart, comme par exemple l'Hainaut, mais également le duché de Brabant ou le comté d'Hollande, au moins théoriquement faisaient partie de l'Empire germanique. Depuis les dernières décennies du XIVe siècle, les quatre ducs de Bourgogne et de la maison Valois avaient assemblé de plus en plus ces duchés et comtés situés entre les cours de l'Escaut et du Bas-Rhin. Les ducs de Bourgogne avaient doté ces pays d'une série d'institutions communes et leurs cours étaient parmi les plus brillantes de l'Europe. Après le décès inopiné de Charles Hardy en janvier 1477, sa jeune fille Marie et son époux Maximilien d'Autriche avaient réussi à préserver une bonne partie de leur héritage. Ainsi, les Pays-Bas avaient passé aux mains des Habsbourg. Évidemment, les ducs de Bourgogne et leurs successeurs Habsbourg visèrent à laisser légitimer leurs aspirations politiques par ceux qui détenaient le pouvoir spirituel. Nous retrouvons alors de nombreux ecclésiastiques dans leurs environs, et Jean-Marie Couchy vous en parlera demain. En fait, lorsque les occasions se présentèrent, par exemple quand les chevaliers de la Toison d'Or se réunissaient en chapitre ou quand les obsèques princières devaient être organisées, des dignitaires ecclésiastiques présidaient des cérémonies spectaculaires. Pourtant, à leur prince manquait une église entre guillemets, église nationale. En fait, il ne pouvait pas se vanter du sacre, ni était-il couronné. Bien que, si j'ose utiliser une métaphore, les différents Pays-Bas fussent des fils de l'Église, tout comme les autres, la France étant sa fille aînée et ses rois prétendaient à plus de droits. En fait, Dans les principautés septentrionales des ducs de Bourgogne et des Habsbourg, ne se trouvaient guère des sièges épiscopaux. Ce complexe territorial, qui avait une superficie d'environ 90 km² et qui comptait vers la fin du XVe siècle probablement à peu près 3 millions d'habitants, comptait seulement 6 évêchés. Utrecht, le plus jeune de ces sièges, avait été établi au 8e siècle. Ces diocèses correspondaient plus ou moins au royaume actuel des Pays-Bas. Les 5 autres sièges avaient tous été fondés lors de l'Antiquité tardive. En outre, ils étaient tous situés vers, sinon au-delà des frontières méridionales des Pays-Bas. 2 de ces 6 sièges, ceux de Liège et d'Utrecht, dépendaient de l'archevêque de Cologne. Les autres, ceux d'Arras, Cambrai, Tournai et Thérouanne, faisaient tous partie de l'archevêché française de Reims. Alors, à l'intérieur des Pays-Bas, il n'y avait aucune archevêché. Tous, comme les territoires des ducs de Bourgogne et leurs successeurs Habsbourg, se trouvaient des deux côtés de la frontière entre l'Empire et le Royaume, et ce fut également le cas de ces sièges épiscopaux. Cambrai, Liège et Utrecht faisaient partie de l'Empire. Leurs évêques administraient non seulement leurs évêchés en matière spirituelle, mais ils gouvernaient également comme princes séculiers des territoires de taille variable, du petit comté du Cambrésis jusqu'à la vaste principauté de Liège, dont Alain Marchand dit ici présent. C'est tout. En contraste, les cités d'Arras, Thérouanne et Tournai se trouvaient à l'intérieur du royaume de France. À partir de 1516, au moins en théorie, les procédures du Concordat de Bologne y étaient applicables. Ceci fut décidément le cas de Thérouanne. La plupart du temps, la cité formait une enclave française à l'intérieur du territoire des Habsbourg, jusqu'à elle fut rasée complètement par les troupes de Charles Quint en 1553. Déjà en 1521, Charles Quint avait conquis Tournai et le Tournaisis, c'est-à-dire les 12 villages autour de la ville que leurs évêques tenaient en fief des rois de France. Ainsi, l'empereur mettait fin à une longue période où les rois de France et d'Angleterre et les Habsbourg s'étaient disputés cette ville et avaient tenté d'y installer leur propre candidat comme évêque. Cette pratique avait mené à maints schismes locaux. Arras, par contre, était déjà fermement sous contrôle des Habsbourg depuis le traité de Senlis conclu en 1493. Par conséquent, seulement à Thérouanne, la royauté française contrôlait le processus de nomination des évêques. Ailleurs, en théorie, des chapitres locaux faisaient le choix. Mais évidemment, les gouvernements Habsbourg poussaient leurs propres candidats. Pourtant, l'issue de telle élection n'était jamais complètement garantie. Parfois, comme à Liège en 1505, où Erard de Lamarck devenait le nouvel évêque, le résultat était décevant pour les cercles gouvernementaux bruxellois. Quasiment pendant tout un siècle, les Habsbourg tenteront alors d'influencer la papauté afin de créer une hiérarchie ecclésiastique néerlandaise. Seulement Philippe II y réussira lors de la promulgation de la bulle Super Universas en 1559 par pape Paul IV. Cette bulle portait à la création de trois nouveaux archevêchés à Malines, Cambrai et Utrecht. En outre, 15 évêchés furent créés, pour la plupart dans des villes qui manquaient jusqu'à ce moment-là un tel haut dignitaire ecclésiastique. Ainsi, Philippe II complétait l'œuvre des ducs de Bourgogne qui, déjà au XVe siècle, avaient gagné le contrôle d'un tas de bénéfices et le droit d'intervenir dans le processus électoral dans la plupart des grandes maisons monastiques. Et je renvoie ici aux publications de Jean-Marie Cauchy. Finalement, une église néerlandaise ou belge, d'après les expressions des contemporains, fut établie. À terme, la création des nouveaux évêchés portera à une stratégie de recrutement modifiée. Les nouveaux évêques seront tous gradués des universités, provenant souvent de milieux sociaux assez modestes. Ceci était en contraste net avec leurs prédécesseurs d'avant, Super Universis d'avant 1559, qui provenaient quasiment tous de l'aristocratie. Les origines sociales des évêques néerlandais entre la fin du XVe et le milieu du XVIe siècle se ressemblaient alors à leurs homologues français plutôt qu'aux prélats d'État anglais, pour reprendre l'expression si adéquate de Cédric Michon. Parmi les évêques néerlandais des Habsbourg, deux familles dominent. Dans cette période, les Glimberg ont livré deux évêques de Cambrai et deux évêques de Liège. Mais c'est surtout l'omniprésence des croyis au sud-ouest des Pays-Bas qui frappe. Entre 1515 et 1559, sur un total de 23 nominations épiscopales, ils ont procuré un évêque d'Arras, un évêque de Tournai et trois évêques de Cambrai. En combinaison avec leur présence à la tête des grandes abbayes de la région et leur charge de gouverneur de province de la Flandre, de la Flandre wallonne et de l'Artois, qui la plupart du temps étaient également tenus par des membres de cette famille, ils dominaient les charges administratives dans cette région, administratives et ecclésiastiques en fait. Pourtant, peu de ces ecclésiastiques des lignées des Glimberg et des croyis prenaient une part active dans le gouvernement du pays. En fait, dans ce groupe, seulement Henri de Glimberg, et vous le voyez ici ensemble avec son frère, évêque de Cambrai depuis 1480 jusqu'à son décès en 1502, est à mentionner. Henri, fait assez rare pour un aristocrate de son envergure, en outre fils aîné, avait étudié le droit canon et civil à Louvain et à Orléans. Depuis 1479, il dirigeait la chapelle de Marguerite de York, veuve de Charles le Hardy. En 1487, suivait sa nomination comme président du Grand Conseil, fonction souvent, mais pas toujours, exercée par un ecclésiastique. Et en 1493, il devenait chancelier de l'ordre de la Toison d'Or. Pourtant, ses efforts afin d'obtenir le cardinalat ne furent pas couronnés de succès. En outre, l'orientation pro-anglaise d'Henri était à l'origine d'un conflit avec l'archiduc Philippe le Bon. En juillet 1502, celui-ci bannissait Henri, ses frères Jean et Maximilien et Philippe de Bourgogne et Blaton de sa cour. Quelques mois plus tard, Henri décéda. Son successeur en tant qu'évêque de Cambrai était son adversaire Jacques de Croilly. Pourtant, comme je l'ai dit déjà, les évêques des diocèses néerlandais participaient relativement peu, on l'a vu également dans la conférence de Cédric Michon avant la pause, les évêques des diocèses néerlandais participaient relativement peu aux pratiques d'administration auprès de la personne du souverain ou de sa représentante, la régente. En fait, pour les Habsbourg, il était beaucoup plus important de gagner le contrôle sur ces évêchés et leur territoire. Ainsi, le gouvernement bruxellois força en 1517 les chapitres d'Utrecht d'accepter Philippe de Bourgogne, le fils naturel cadet du duc Philippe le Bon, comme leur évêque nouveau. À cette date, Philippe n'avait même pas reçu les ordres. Par contre, en tant qu'amiral, il appartenait au cercle dirigeant du complexe territorial bourguignon-Habsbourg. Après sa nomination à Utrecht, Philippe tenta de pacifier les factions locales qui s'opposaient aux interventions des Habsbourg, mais il n'appartenait plus au groupe de confidents de Charles, ni à celui de la régente Marguerite. Évidemment, ce constat n'exclut pas la présence d'ecclésiastiques dans les cercles dirigeants des Habsbourg aux Pays-Bas. Seulement, en général, ces ecclésiastiques n'appartenaient pas à l'épiscopat local. La carrière d'Adriaan Bouyens en constitue un bon exemple. Ce fils d'un charpentier, né en 1459 à Utrecht, étudia à Louvain, y devenait professeur et ensuite recteur de l'université. Adrien enseigna également Charles de Luxembourg, le futur Charles Quint. Une fois, apparemment, celui-ci faisait confiance à son professeur. Une fois émancipé, Charles l'envoya en Espagne afin de négocier avec Ferdinand d'Aragon sa position juridique. C'est seulement là qu'Adrien recevait son premier siège épiscopal, celui de Tortosa en Catalogne, diocèse avec des revenus tout à fait modestes. Une année après, en 1517, suivait son élévation au cardinalat. Cette dignité facilita Adrien dans sa tâche nouvelle d'administrateur des royaumes espagnols, fonction qu'il exerça ensemble avec son homologue, le cardinal Cisneros. En mars 1522, Adrien fut élu contre toute attente pape. Pourtant, son pontificat bref ne peut guère être considéré comme un succès. Sans aucun doute, les origines sociales modestes, comme on a vu, d'Adrien y étaient pour beaucoup. Il semble alors que les ecclésiastiques qui siégeaient au conseil aulique aux Pays-Bas étaient surtout appréciés pour leurs connaissances juridiques et leur savoir-faire humaniste. Souvent, ils provenaient de la Franche-Comté, contrée où déjà les ducs de Bourgogne avaient recruté leurs légistes. Les frères Carondelet en étaient des représentants particulièrement brillants. Leur père Jean, originairement un bourgeois de Dole, avait été président du Parlement de Malines et plus tard chancelier de l'archiduc Maximilien. Deux de ses fils poursuivaient des carrières ecclésiastiques. Les autres enfants épousaient des nobles de premier rang. Les deux clercs étudiaient également à Dole. Ferry, que vous voyez ici sur ce magnifique tableau de Sébastien del Piombo, aujourd'hui à Madrid, Ferry, le cadet, né en 1473, était parmi les confidents francs-comtois que Marguerite d'Autriche remportait avec elle aux Pays-Bas lorsqu'elle accepta d'y remplacer son père Maximilien comme tuteur du jeune Charles de Luxembourg. À sa cour, il exerça les fonctions de confesseur et de membre du Grand Conseil de Malines. En 1510, Ferry devenait légat pontifical auprès de Maximilien. Pourtant, en 1515, Ferry retourna en Franche-Comté, où il enrichissa surtout l'abbaye de Montbenoît, qu'il tenait en commande depuis 1511, et la cathédrale de Besançon, dont il était l'archidiacre depuis 1504. La carrière de Jean... Voilà. La carrière de Jean, le frère le plus âgé de Ferry, paraît encore plus spectaculaire. Jean était né en 1469. En contraste avec son frère Ferry, immédiatement après ses études ultriusque iuris, Jean II avait retourné aux Pays-Bas. Déjà en 1494, Jean était accepté comme membre du Grand Conseil. En 1508, il passa son siège à son frère Ferry pour devenir membre du conseil privé de Marguerite d'Autriche. Apparemment, Jean gagna la confiance de Charles de Luxembourg. En 1517, il l'accompagna lors de son premier voyage en Espagne. Deux ans plus tard, Jean fut créé archevêque de Palerme, Palerme en Sicile. De facto, il devenait ainsi également primat de la Sicile. En fait, Jean ne visita jamais son archidiocèse. En 1522, suivait la promotion de Jean comme chef du conseil privé de Marguerite. Après son décès, en décembre 1530, le décès de Marguerite, Jean administrait ses territoires, alors les Pays-Bas, ensemble avec Antoine de Lanlin, en attendant l'arrivée de la nouvelle régente Marie d'Hongrie, la sœur de l'empereur. Marie d'Hongrie avait une forte personnalité, mais Jean entretenait des bonnes relations avec elle. En 1531, lors de la réorganisation de l'architecture institutionnelle des Pays-Bas, Charles Quint confirma Jean Carondelet comme président du conseil privé. Il devenait également membre du conseil d'État, conseil qu'il présida lors de l'absence de la régente. Lors du décès de Jean Carondelet en 1545, un autre franc-comtois avait entamé le cursus honorum qui le mènerait à devenir à son tour le confident par excellence de la régente suivante des Pays-Bas. Antoine Perrenot de Granvelle était né en 1517 à Besançon. Après 1530, son père Nicolas avait succédé à Mercurino di Gattinara comme conseiller principal de l'empereur. Très jeune encore, Antoine était devenu chanoine dans l'église cathédrale de sa ville de naissance. En 1538, quand il avait à peine 21 ans, Antoine était devenu évêque d'Arras. Dans cette fonction, Antoine adressa, en tant que représentant de l'empereur, la session d'ouverture du concile de Trente. Antoine de Granvelle a été souvent accusé par ses adversaires d'avoir été l'auteur intellectuel du projet de création de nouveaux diocèses aux Pays-Bas. Des recherches approfondies du jésuite Michel Dirix aux années 50 et plus tard celles de Volker Postma, professeur à l'université de Groningen, ont confirmé qu'il ne s'agissait que de la propagande. En fait, ce projet était beaucoup plus vieux. Déjà Charles Hardy, aux années 1470, en avait rêvé et aux années 1520, Charles Quint et Marguerite d'Autriche l'avaient développé de nouveau. Seulement le décès inopiné du pape néerlandais Adrien VI, après un pontificat d'à peine une année et demie, avait empêché que ce projet se concrétisât alors. Pourtant, en 1559, Philippe II, fort de sa victoire contre l'armée papale et du traité de paix de Cateau-Cambrésis, pouvait finalement exercer suffisamment de pression sur Paul IV afin qu'il promulguât sa fameuse bulle Super Universas. Immédiatement après, Philippe II quitta les Pays-Bas pour l'Espagne. Il n'y retournerait plus jamais. Le roi confiait alors les Pays-Bas à sa demi-sœur Marguerite de Parme. Informellement, Antoine de Granvelle devenait l'homme fort du nouveau gouvernement. L'année suivante, il était promu au nouveau siège archiépiscopal de Malines. Finalement, les Pays-Bas avaient leur église nationale et Granvelle était son premier primat. Sa stature fut confirmée par son élévation au cardinalat l'année prochaine en 1561. Pourtant, l'accession rapide du cardinal de Granvelle avait provoqué tellement de mécontentement que Philippe II accepta de révoquer Granvelle des Pays-Bas en 1564. Par la suite, clairement, la régente Marguerite d'Autriche ne maîtrisait plus la situation et en août 1566, une vague d'iconoclasme provoqua une longue guerre civile aux Pays-Bas. Entre-temps, de Rome, Naples et Madrid, Granvelle continua à suivre les affaires des Pays-Bas et à conseiller son maître, Philippe II, sans pouvoir néanmoins remédier la situation. Après sa mort, survenue en 1586, aucun ecclésiastique ne regagna encore une position tellement influente. Au contraire, la première génération d'archevêques aux Pays-Bas, notamment Granvelle lui-même, Maximilien de Glimberg à Cambrai et Frédéric de Schenktautenburg à Utrecht, avaient encore tous appartenu à la haute noblesse. Aux générations suivantes, des hommes comme Jean Auchin, Lavinius Terentius ou Matthias Ovius propagèrent avec énergie de leur palais malinois et la cathédrale le rétablissement de l'Église catholique après l'interlude des guerres de religion et des républiques calvinistes. Mais ils séjournèrent rarement à la cour bruxelloise des archiducs et ils exerçaient très peu d'influence directe. Là, par contre, l'archiduc Albert d'Habsbourg, qui avait entamé sa carrière comme archevêque de Tolède et cardinal de Santa Croce in Jérusalem, n'avait pas besoin de ces figures, somme toute modestes, pour cultiver ses relations avec Rome et Madrid. Vu dans cette perspective, la figure d'Antoine Perrenot, cardinal de Granvelle, devient encore plus exceptionnelle. En fait, en comparaison avec la France ou l'Angleterre du XVIe siècle, les Pays-Bas manquaient des prélats d'État. Comme je l'ai remarqué déjà, jusqu'en 1559, il y avait très peu d'évêchés, et alors très peu de possessions ou des titres d'évêques à distribuer aux fidèles du souverain. Les évêques nationaux y manquaient. Une autre indication peut être le nombre très réduit de cardinaux provenant des Pays-Bas au XVIe siècle. En fait, à part Granvelle, seulement deux prélats néerlandais ont été élevés au cardinalat au XVIe siècle. Il s'agit d'Erard de Lamarck, évêque de Liège, qui le devenait en 1521, et Guillaume d'Enkevoort deux ans plus tard. Le premier avait été persuadé ainsi de passer du côté français au rang des Habsbourg. Le deuxième avait été le confident et exécuteur testamentaire du pape Adrien VI. Il devait sa création à son maître, il ne retournerait plus jamais aux Pays-Bas. Apparemment, l'alliance entre crosse et sceptre fonctionnait mieux dans des vieux États centralisés qu'au territoire accessoire d'une vaste monarchie composée. Je vous remercie de votre attention.